Je ne m'entends plus penser, une caresse empoisonnée. J'avais rêvé de ne plus rêver, un silence assassiné qui me protégeait. Dans un coin tu me cherches, dans un coin je te cherche. En premier je te sème, en second tu me sèmes. Par où veux-tu passer? Alice, viens. Alice, reviens. Alice, m'abandonne. Alice, raisonne. Vraiment exister, était-elle à ma portée, sans une pierre où m'emmurer, sans refuge à me napper, j'ai voulu m'insurger. Dans un coin je me cherche, dans le vide je me parsème, égaré dans ce domaine, paraphrénie éphémère, l'anneau s'est brisé.